Les blancs sont bons, le savon. Les blancs sont bons, le cornichon. Les blancs sont bons, le saucisson. Les blancs sont bons, le pognon. Les blancs sont bons, le savon. Les blancs sont bons, le cornichon. Les blancs sont bons, le saucisson. Les blancs sont bons, le pognon. Et monsieur, s'il vous plaît, vous aurez bien l'obligeance de me donner des billets neufs, hein. Je veux pas des vieux billets conservés aux négresses pour s'essuyer le cul avec, hein. Vous me comprenez ?